الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. خلق الخلق وكلفهم بالعبادة. Il a créé les créatures, les hommes et les génies, et il les a chargés de son adoration, de l'adorer. وتكلف سبحانه وتعالى بالرزق. Et il a garanti lui-même pour eux la subsistance. فاهتموا بطلب الرزق. Et ils se sont préoccupés de la recherche de la subsistance. وتركوا العبادة. Et ils ont négligé l'adoration pour laquelle ils étaient créés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. L'imam Abdullah, fils de Abbas, que Dieu soit satisfait des deux, dit: إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم بخمس كلمات. La tombe appelle chaque jour le fils d'Adam avec cinq phrases. يا ابن آدم تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. Au fils d'Adam, aujourd'hui tu marches au-dessus de moi, sur mon dos, mais demain tu vas dormir à mon intérieur, ou dans mon intérieur, dans mon ventre. Ya ibn Adam, tafrahu al-yawm ala dhahri, au fils d'Adam, aujourd'hui tu te réjouis bien sur mon dos, wa ghadan satahzanu fi batni, mais demain tu vas t'attrister dans mon ventre. Ya ibn Adam, tadhaku al-yawma ala dhahri wa ghadan satabki fi batni, au fils d'Adam, aujourd'hui tu ris sur mon dos, mais demain tu vas pleurer dans mon ventre. Ya ibn Adam, ta'si Allah ala dhahri wa ghadan satu'adhabu fi batni, au fils d'Adam, aujourd'hui tu es en train de désobéir à Dieu sur mon dos, mais demain tu seras châtié dans mon ventre. Ya ibn Adam, ta'kulu al-yawm ala dhahri wa ghadan sayakuluk ad-dud fi batni, au fils d'Adam, aujourd'hui tu es en train de te nourrir, de manger, etc. sur mon dos, mais demain tu seras la nourriture ou bien le repas des vers dans mon ventre. Ya Rab, wajjahtu basari huna wa hunak, ô Seigneur, j'ai lancé mon regard là et là-bas. وحيثما توجه البصر يلقاك. Et là où le regard s'est dirigé, il t'a rencontré. ليس من فقد عينيه بأعمى ولكن الأعمى بحق من لا يراك. N'est pas aveugle celui qui a perdu ses yeux ou la vue, mais le vrai aveugle est celui qui est incapable de te voir. وجهت بصري هنا وهناك وحيثما توجه البصر يلقاك ليس من فقد عينيه بأعمى ولكن الأعمى بحق من لا يراك. عبر عظمتك في الكون، عبر خلقك في الكون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il a dit, prière et salut sur lui: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة يكون القمر مستديرا في السماء. ليلة 14. Certes, vous allez voir votre Seigneur le jour de la résurrection comme vous voyez dans ce bas monde la lune pendant la nuit où elle est pleine. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimali sahara, et au nom des sables du désert, wa auladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا الآن في عطلة مدرسية للأطفال. On est aujourd'hui dans des vacances scolaires pour les enfants. والعطلة تنسي الأطفال الامتحانات. Et les vacances scolaires font oublier aux enfants les contrôles scolaires, les examens scolaires, le travail scolaire, etc. وأحب أن أقول للأطفال وللشباب, et j'aimerais dire aujourd'hui aux enfants, aux jeunes, بأن الدنيا قاعت امتحان كبيرة. إذا كنتم في عطلة فلا تنسيكم العطلة إذا أنستكم امتحانات الدنيا فلا يجب أن تنسيكم امتحانات الآخرة أو امتحان الآخرة. Je dis aux jeunes, si les vacances d'aujourd'hui vous ont fait oublier les contrôles scolaires, ces vacances ne doivent pas vous faire oublier les contrôles ou le vrai examen ou le test qui se trouve dans ce bas monde, le grand examen de ce bas monde. الدنيا قاعت امتحان كبيرة. Le bas monde n'est qu'une salle d'examen très très très vaste. L'école للناس, pour tous les gens, من سن البلوغ إلى الموت, à partir de l'âge de la puberté jusqu'à l'âge de jusqu'à la mort. كل يوم أنت في امتحان. Chaque jour, tu es dans un contrôle. Ta vie n'est qu'un contrôle continu. امتحان. كل ساعة أنت في امتحان. Chaque heure, tu es dans un contrôle, dans un examen, dans un test de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. بل كل دقيقة أو ثانية, plutôt chaque minute ou bien seconde, Dieu te teste. الله يمتحنك. الدنيا امتحان كتابي. La vie ici-bas est une salle d'examen d'écrit. ويوم القيامة امتحان شفوي. Et le jour de la résurrection, ça va être un examen d'oral. اليوم كتابي لأن الملائكة هي التي تكتب. Aujourd'hui, c'est un examen d'écrit parce que ce sont les anges nobles qui écrivent. وغدا امتحان شفوي. والله هو الذي سيسأل. Et demain, ça va être un examen d'oral et c'est Dieu qui va poser les questions. L'examinateur de demain s'appelle Dieu. الذي يسأل غدا, celui qui pose les questions demain, هو الله سبحانه وتعالى, s'appelle Allah le Très-Haut. الذي يسأل غدا هو القوي, celui qui pose les questions demain est le très fort, Al-Kabir, l'infiniment grand, Malik al-Mulk, le roi de tous les rois. فماذا أعددنا لهذا اليوم الطويل الخطير, qu'avons-nous préparé pour ce jour très très long, 50 000 ans, ce jour redoutable. فاسمحوا لي أن أسافر بالجميع, permettez-moi de faire un voyage pour tout le monde aujourd'hui. سفر استطلاع إلى يوم القيامة, un voyage de découverte vers le jour de la résurrection. ولقد اخترت ثلاث مواطن فقط من ذلك اليوم, et j'ai choisi, j'ai sélectionné uniquement trois lieux de ce jour. وأبدأ بهذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة. Et je commence par cette parole du prophète, prière et sagesse, à propos de ce jour. قال il dit خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني. L'archange Gabriel m'a effrayé par le jour de la résurrection jusqu'au point qu'il m'a fait pleurer. فقلت يا جبريل, et j'ai dit au Gabriel, ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر, ne m'a-t-on pas pardonné mon péché antérieur et postérieur? فقال لي, et l'archange Gabriel m'a répondu, يا محمد, ô محمد, لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة. Certes, tu vas voir de la terreur de ce jour ce qui va te faire oublier le pardon. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هكذا. فما بالنا نحن معشر المذنبين. Si le prophète prière et salut sur lui parle comme ça, que dire de nous? Ensemble de pêcheurs. وإليكم الموطن الأول, et on va visiter le premier site ou bien le premier lieu, وهو مكان الميزان, et il s'agit du site de la balance ou le lieu où se trouve la balance de Dieu. الذي قال الله تعالى وتبارك عنه, ce site, cette balance pour laquelle Dieu a dit فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, سيكون في عيشة راضية في الجنة. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, ça veut dire dans le paradis. مصيبة نحن نعيش في الدنيا نسينا الميزان ونسينا كل شيء وأعمتنا الدنيا بشهواتها وملذاتها. Notre problème, mes frères et mes sœurs, on est en train de vivre dans cette vie ici-bas et on a oublié la mort. Et on a oublié la balance, et on a oublié le jour de la résurrection, comme si on va vivre éternellement ici. Mais il s'agit d'une période courte de passage vers la vraie vie après la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Notre problème, je parle surtout avec les jeunes, il ne faut pas être aveuglé par la vie ici-bas, par les plaisirs ou les désirs de cette vie ici-bas. Il faut voir la réalité, il faut savoir pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés pour son adoration, il nous a créés pour se préparer pour ce jour, et non pas pour courir derrière les plaisirs et les désirs. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, lourde avec les bonnes actions. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa demeure est un abîme très profond. Et sais-tu de quoi s'agit-il? Un feu ardent. أخي أختي فرير سير, تخيل نفسك وقد جاءت بك الملائكة إلى الميزان. Imagine avec moi, imagine-toi, et voici que les anges t'ont amené vers la balance. فشخص بصرك, et ton regard se fixera. وطار عقلك, ta raison s'absentera. وَتَدَفَّقَ عَرَقُكَ, ta sueur jaillira. وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَى الْمِيزَانِ, et toi tu es en train de voir la balance. مَنْ سَيَكُونُ ثَقِيلًا, quel plateau de la balance sera-t-il lourd? حَسَنَاتُكَ أَمْ سَيِّئَاتُكَ, est-ce le plateau des bonnes actions ou bien des mauvaises? تخيل نفسك أمام الميزان. Imagine-toi maintenant devant la balance. والله كل واحد منا سيقف أمام الميزان. ولكن الدنيا هي التي تحبسنا من رؤية الميزان لضعف الإيمان. أما من زاد إيمانه فكأنه في الدنيا ينظر إلى الميزان. Par Dieu le Très-Haut, chacun de nous va s'arrêter devant la balance. C'est la vie ici-bas qui nous aveugle, qui nous empêche d'imaginer, de voir à cause de notre foi faible. Mais celui qui a la foi forte, même dans cette vie ici-bas, il est en train presque de regarder la balance, de se préparer au jour de la balance. Imagine-toi face à la balance. Ton cœur qui bat très fort, rapidement. Ta bouche qui est en train de dire, de répéter, Ya laytani qumtu bi kathirin min al-hasanat. Oh, si j'ai accompli dans la vie ici-bas beaucoup de bonnes actions. Ya laytani bta'attu min ash-shayatin wa min as-sayyi'at. Oh, si je me suis éloigné des satans, des mauvaises actions, etc. Akhi ukhti, frère, sœur, hal turid أن تعرف الآن النتيجة؟ veux-tu connaître maintenant le résultat؟ انظر في هذا اليوم كم عدد حسناتك؟ انظر في هذا اليوم كم عدد سيئاتك؟ regarde aujourd'hui, c'est pas la peine d'attendre demain. On peut faire une projection à partir de ce que tu as fait aujourd'hui pour connaître le résultat de demain. Regarde aujourd'hui, quel est le nombre de tes bonnes actions؟ Et quel est le nombre de tes mauvaises actions? انظر في هذا الأسبوع, regarde cette semaine. إلى الحسنات والسيئات, regarde les bonnes actions d'une semaine et les mauvaises accomplies pendant une semaine. انظر في الشهر, regarde ce mois qui est passé. انظر في السنة, regarde plutôt l'année écoulée. انظر في حياتك, regarde plutôt toute ta vie. هل أنت من أصحاب الحسنات؟ Es-tu parmi les gens des bonnes actions؟ أم أنت من أصحاب السيئات؟ Ou plutôt, fais-tu partie des gens des mauvaises actions؟ إنك لازلت في الدنيا. Tu es toujours dans cette vie ici-bas. Le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. من الذي يمنعك من الإكثار من الحسنات؟ Qu'est-ce qui t'empêche de faire beaucoup de حسنات, de bonnes actions؟ من الذي يدفعك إلى السيئات؟ Qu'est-ce qui te pousse à faire les mauvaises؟ أمام كل سيئة, devant chaque péché. وقبل القيام بها, et avant de l'accomplir. تذكر الميزان, rappelle-toi de la balance. تذكر بأن هذه السيئة التي تحب اليوم ستثقل كفة السيئات غدا. Pense que aujourd'hui ce péché que tu aimes faire, il va alourdir ton plateau de mauvaises actions. أخي أختي, frère, sœur, إذا أردت النجاة يوم القيامة من خطر الميزان, si tu veux éviter le danger de la balance le jour de la résurrection, فعليك باستعمال ميزان الشرع في حياتك. Frère ou sœur, tu dois utiliser dans cette vie ici-bas la balance de la loi divine. On a fait dunya dans cette vie ici-bas. قبل أن تقوم بأي عمل, avant de faire quoi que ce soit, زنوا بميزان الإسلام. هل هو حرام أم حلال؟ Avant de faire n'importe quelle action, pèse-la sur la balance de l'islam. Est-elle licite ou bien illicite? قال سيدنا عمر, notre maître Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dit حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. Jugez vous-même par vous-même avant d'être jugé, et pesez vos actions avant qu'elles soient pesées. Wa amru ila al-mawtin al-thani, et je passe vers le deuxième site. Wa huwa makan al-su'al, et il s'agit du site de l'interrogation, du jugement. Fi hadha al-makan, dans ce site, dans ce lieu, najidu an-nas fi khawf wa khudu' wa dhul. On regarde, on trouve les gens effrayés, soumis, humiliés. ذهب ضحك الدنيا على الشواطئ وفي المقاهي وفي كل هذه ذهب هذا الضحك, le rire qui remplit les plages aujourd'hui, le rire qui remplit les cafés et les autres lieux de distraction d'aujourd'hui est devenu absent. Tout le monde a vu la vérité. Tout le monde est effrayé, soumis, humilié. Il y a leur tête, les prophètes, les siddiqoun et les vertueux. جاث على ركبتيه. Tout le monde est à genoux. والملائكة محيطة بهم صفا صفا. Et les anges les entourent rangés par rangés. الكل ينتظر السؤال. Tout le monde attend le jugement. قال تعالى, Dieu dit, فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما في أحد سيفلت غدا يوم القيامة من السؤال. فوربك لنسألنهم, من الذي سيسأل؟ الله. لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Dans ce verset, Dieu dit, par ton Seigneur, nous allons tous, il n'y a pas une personne qui va échapper à l'interrogation. Nous allons tous les interroger à propos de ce qu'ils faisaient, à propos de ce qu'ils faisaient. وَيَبْدَعُ اللَّهُ بِالْأَنْبِيَاءِ. Et Dieu commence le jugement, l'interrogation par les prophètes. يَقُولُ اللَّهُ, Dieu dit dans un verset, يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ. Le jour où Dieu rassemblera les messagers et dira, que vous a-t-on répondu? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. هُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي الدُّنْيَا جواب أقوامهم, ولكن في ذلك اليوم أمام الهول, أمام الخوف, نسوا الجواب, نسوا علمهم الدنيوي. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Ils ont dit, nous n'avons aucun savoir, c'est toi par excellence le parfait sachant des mondes inconnus. Ils savaient dans la vie ici-bas la réponse, mais demain, devant la terreur de ce jour, ils vont oublier leur savoir. إذا كان الأنبياء أمام سؤال الله لا يعرفون الإجابة. Dans le cas où les prophètes, devant l'interrogation de Dieu, ne connaîtront pas la réponse, فكيف تكون حالنا نحن, comment sera-t-il notre état? نحن المذنبون, nous les pécheurs. وها هي الملائكة بأجسام غلاظ شداد. Et voici les anges avec des corps géants et très forts. يأخذون الناس واحدا واحدا, qui sont en train de prendre les gens un par un. إلى أين, vers où? إلى العزيز الجبار, vers le tout puissant, vers le très fort. ستكون وحدك أمام الله. Tu seras, frère ou sœur, seul devant Dieu. من غير محام, sans la présence d'un avocat. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وكلهم, كل واحد, كل واحد, وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد يمر أمام الله وحده فرد. ماذا سنفعل لما كل واحد فينا يقوم أمام الله وحده؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Le jour de la résurrection, chacun d'eux se présentera seul à lui. وقد أتى دورك. Et voici ton tour qui arrive. وفقك الله يا أخي. وفقك الله يا أختي. Que Dieu t'assiste, ô frère, que Dieu t'assiste, ô sœur. لقد كنت في الدنيا حرا تفعل ما تشاء من ذنوب ومعاصي بغير حساب. Certes, dans la vie ici-bas d'hier, tu étais libre. Tu étais libre. Tu faisais tout ce que tu voulais sans jugement. Tout ce que tu voulais de péché, de désobéissance, sans jugement. Et voici le moment du jugement qui est arrivé. Et tes muscles vont trembler. Et ta raison va s'absenter. Tu passes devant Dieu maintenant, à l'instant, fi hadhihi al-lahadhat, à ces instants, sataqifu amam Allah. Tu vas t'arrêter devant Allah. Khaliq as-samawati wal-ard, tu vas t'arrêter devant le Créateur des cieux et de la terre. Wa sayas'aluka rabbul alamin. Et c'est Dieu, le Seigneur des univers qui va t'interroger, min ghayri hijab, sans l'intermédiaire d'un voile, wala turjuman, et sans la présence d'un traducteur, muttafaqun alayh, unanimement authentique. هل أوجدت جوابا لهذا السؤال الإلهي في الآية الكريمة؟ As-tu préparé une réponse, frère ou sœur, pour cette question divine qui se trouve dans ce verset coranique? يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك؟ ألم أرسل لك رسولا؟ ألم أبعث لك قرآنا؟ ألم تعرف بأن الجنة حق والنار حق؟ ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أو être humain, qu'est-ce qui t'a induit en erreur au sujet de ton généreux Seigneur? وامتلأ قلبك خوفا وفزعا, et ton cœur se remplira de peur, de crainte. وَنَسِيْتَ أَبَاكَ, et te voici, t'as oublié ton père. وَأُمَّكَ, t'as oublié ta mère. وَأَخَاكَ وَأُخْتَكَ, t'as oublié ton frère et ta sœur. وَنَسِيْتَ زَوْجَتَكَ وَأَبْنَاءَكَ, et te voici, t'as oublié même ton épouse et tes enfants. لَكَ اللَّهُ يَا أَخِي, que Dieu soit de ton côté, ô frère. لَكِ اللَّهُ يَا أُخْتِي, que Dieu soit de ton côté, ô sœur. الْمَلَائِكَةُ مُحِيطَةٌ بِكَ, les anges géants sont autour de toi. وَأَنْتَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى, et tu es entre les mains de Dieu le Très-Haut. لِلْحِسَابِ, pour le jugement. وَيَقُولُ لَكَ, et il te dit, يَبْنَ آدَمَ, ô fils d'Adam. فَيَدُقُ قَلْبُكَ بِسُرْعَةٍ, et ton cœur va battre très fort. وَيَرْتَعِدُ جَسَدُكَ, ton corps va trembler. وَلَا تَسْتَطِعُ الْوُقُوفَ عَلَى رِجْلَيْكَ, et tu seras incapable de tenir debout sur tes pieds. Tes jambes seront en train de trembler. وَيَصْدُقُ عَلَيْكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ, et tu vas voir se concrétiser le verset coranique, quiconque accomplit le poids d'un atome dans le domaine du bien, il le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا شَرًّا يَرَى, et quiconque accomplit le poids d'un atome dans le domaine du mal, il le verra. فَكَمْ مِنْ فَاحِشَةٍ نَسِيتَهَا, combien d'actions abominables que t'as oubliées. وَتَتَذَكَّرُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَمَامَ اللَّهِ, et que tu vas, et auquel tu vas te rappeler juste en ce moment lorsque tu es devant Dieu. Et lorsque tu vas voir tes péchés devant Dieu, tu seras envahi par un immense regret. Le verset coranique dit, et ils trouvèrent présent tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Et tu seras envahi par la honte, par la pudeur. Et Dieu va te dire, Ya Abdi, ô serviteur, amastahyayta minni لما كنت تقوم بالحرام والمعاصي, n'avais-tu pas honte de moi lorsque tu commettais les péchés, la désobéissance? فتتمنى لو أن الأرض تبلعك حتى لا تسمع من ربك هذا الكلام هذا اللوم والتوبيخ, et tu vas souhaiter être absorbé par le sol, par la terre, au lieu d'écouter de la part de ton Seigneur ses reproches, ses réprimandes. وهناك من يتمنى أن يدخل النار ولا يسمع لوم العزيز الجبار, et il y en a celui qui va souhaiter entrer directement vers l'enfer au lieu d'entendre les reproches du Tout-Puissant. Ya Abdi, ô serviteur, ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر الحرام, n'étais-je pas surveillant de tes yeux lorsque tu regardais l'illicite? Ya Abdi, ô serviteur, ألم أكن رقيبا على أذنيك وأنت تسمع الحرام, n'étais-je pas surveillant de tes oreilles lorsque tu écoutais l'interdit, il a akhiré, etc. Ya Abdi, ô serviteur, alam ukrimka, ne t'ai-je pas honoré? Alam uzawishka, ne t'ai-je pas marié? Alam u'tika al-amwal, ne t'ai-je pas donné des biens? Wal awlad, et les enfants, ya abdi, ô serviteur, alam un'im alayka bishabab, ne t'ai-je pas accordé la jeunesse? Ya abdi, fa fima ablayta, ô serviteur, qu'est-ce que tu en as fait, ça veut dire de ta jeunesse. Alam umahillaka fil umur, ne t'ai-je pas prolongé dans ta vie. Fafima afnayta, qu'est-ce que tu en as fait. Alam arzuqka al-mal, ne t'ai-je pas donné des fortunes. Famin ayna iktasabta, de quel domaine ou comment as-tu gagné ta vie. Wafima anfaqta, et dans quel domaine tu as dépensé tes biens. Alam ukrimka bil ilm, ne t'ai-je pas honoré par la science, le savoir. Et qu'est-ce que tu as fait de ton savoir? Est-ce que tu l'as mis en pratique ou pas? Et Dieu va te citer ses grâces et tes désobéissances. Ikramahu wa masawik, ses bienfaits et tes péchés. Fa in ankarta shahidat alayka jawarihuk. Et dans le cas où tu contestes, tu renies une mauvaise action, ce sont tes membres, tes organes qui vont témoigner contre toi. Qala Anas radiyallahu anhu. Anas, que Dieu soit satisfait de lui, dit: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager, prière et salut sur lui, rit. ثم قال, puis il dit: أتدرون مما أضحك, savez-vous de quoi j'étais en train de rire. قلنا الله ورسوله أعلم, nous avons répondu: c'est Dieu et son messager qui le savent. قال: من مخاطبة العبد ربه, je riais du dialogue qui aura lieu entre le Seigneur et son serviteur. يقول يا رب ألم تجرني من الظلم, le serviteur qui va dire: ô Seigneur, ne m'as-tu pas protégé contre l'injustice? Qala bala, Dieu dit si. Fayaqulu inni la ujizu al-yawma ala nafsi illa shahidan minni. Et le serviteur va dire à Dieu: je n'accepte aucun témoin aujourd'hui contre moi à part des témoins propres à ma propre à moi-même. Fayaqulu, et Dieu va lui dire, يقول هذه الآية الكريمة, Dieu va répondre avec ce verset coranique: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, ton propre témoignage est suffisant pour toi aujourd'hui. قال فيختم على فيه, et on lui ferme la bouche. ويقال لأركانه انطقي, et on va dire à ses membres, à ses organes, de parler, la main, le pied, les pieds, etc. فتنطق بأعماله, et ses organes vont parler, vont raconter ses mauvaises actions. ثم يخلى بين, et après on l'autorise de nouveau à parler. Il va dire à ses organes: soyez éloignés et soyez perdants, c'était pour vous que je luttais. Rawahu l'imam Muslim, rapporté par l'imam Muslim. Et à la fin du jugement divin, il y a deux possibilité. Soit que Dieu va te dire: ya abdi, ô serviteur, satartu alayka dunubaka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Je n'ai pas dévoilé tes péchés dans la vie ici-bas, et aujourd'hui je te les pardonne. Fayatiru qalbuka farahan wa sururan, et ton cœur va se remplir de joie, de bonheur. Wa imma an yaqula lil malaika, ou bien il ne va pas parler avec toi, il va parler avec les anges: khudhu hadha al-abd as-su, prenez ce mauvais serviteur. Farullu, enchaînez-le. Thumma al-jahima sallu, et faites-le entrer dans la GN. Wa taksiru khusranan mubina, et tu subiras une lourde perte. Liannaka kunta ghafilan fi dunya anil akhirah, parce que dans la vie ici-bas, tu étais inattentif par rapport à l'au-delà. Ayyuha al-ikhwa, mes frères et mes sœurs, man arada an la yakhaf fil akhirah, عليه بالخوف من الله من الله في الدنيا. Celui qui ne veut pas subir la peur, la crainte, la terreur dans l'au-delà, il doit craindre Allah dans cette vie ici-bas. فَلَا يَقُومُ بِالْحَرَامُ وَالْدُنُوبِ Il ne doit pas commettre l'interdit, il ne doit pas commettre le péché dans cette vie ici-bas très courte. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ عِنْدَ الْحِسَابِ Et celui qui ne veut pas être dévoilé devant tout le monde par Dieu le jour du jugement, فَلْيَسْتُرْ عِبَادَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا Il n'a qu'à ne pas dévoiler les serviteurs de Dieu dans cette vie ici-bas. قال صلى الله عليه وسلم il dit prière et saint aujourd'hui من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة celui qui ne dévoile pas un musulman Dieu ne le dévoile pas ni dans cette vie ici-bas ni dans l'au-delà أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu نمر الآن إلى الموطن الثالث et on passe maintenant au troisième et dernier site choisi pour aujourd'hui من مواطن يوم القيامة parmi les sites du jour de la résurrection. وَهُوَ الصِّرَاطِ Et il s'agit du sirat, le chemin. وَهُوَ جِسْرٌ مَمْدُودٌ فَوْقَ النَّارِ Le sirat est un pont construit au-dessus de l'enfer. أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ Plus aiguisé qu'une épée et plus fin qu'un cheveu. قال تعالى مخاطبا الملائكة في آية كريمة Dieu dit aux anges dans un verset coranique فهدوهم إلى صراط الجحيم Conduisez-les au chemin de l'enfer أخي أختي frère, sœur إذا وصلت إلى الصراط Quand tu arrives au صراط رأيت سواد جهنم من تحتي Tu vas voir le noir de la GN en dessous de lui وسمعت شهيق النار وتغيضها et tu vas entendre le bruit de l'enfer et sa colère وأحسست بحر لهيبها et tu vas sentir la chaleur excessive de ses flammes والله كل واحد سيرى هذا الشيء par Dieu le très haut chacun de nous il va voir cette situation كي تدخل إلى الجنة لا بد أن تمر فوق جهنم afin d'entrer dans le paradis tu dois passer au-dessus de l'enfer soit tu passes soit tu tombes وفزع قلبك et ton cœur est rempli maintenant de terreur de panique ورعب عقلك tu n'as plus de raison tu es privé de la raison وأردت الرجوع إلى الوراء et tu vas vouloir reculer vers l'arrière فصاح عليك ملائكة غلاظ شداد et ce sont des anges géants très forts qui vont te gronder avance avance وأمروك بالمشي على الصراط et ils vont te demander de marcher sur le صراط رغم ضعف حالك malgré la faiblesse de ton état واضطراب قلبك malgré la panique de ton cœur وتزلزل قدمك malgré le tremblement de tes pieds ورغم ثقل ظهرك et malgré que ton dos est bien alourdi بماذا ظهرك ثقيل بالمعاصي والذنوب ستتحول إلى مواد كبيرة تحملها على ظهرك هذه الذنوب التي تقوم بها اليوم ton dos sera alourdi par tes péchés par tes désobéissances qui seront transformées matérialisées par de grandes choses et tu vas les porter sur ton dos chacun va porter ses propres péchés et avec tout ce poids tu dois passer sur le sirat وأحسست أنك لا تستطيع المشي على الأرض Et tu vas sentir que tu es incapable de marcher sur le sol, pas sur un pont. mince. Mais même sur le sol, avec le poids, tu peux pas avancer. فكيف تمشي على صراط أرق من الخيط وأمضى من السيف? Comment vas-tu faire pour marcher avec tout ce poids sur un sirat qui est plus fin qu'un fil et plus aiguisé qu'une épée? ومن تحته جهنم. Et en dessous de lui se trouve la GN. يعني هو الصراط 20 متر. Est-ce que la longueur du sirat est de 20 mètres? Là. وتحت 20 متر. Et en bas de lui 20 mètres, le vide de 20 mètres, là. أمامك عشرات الملايير من الملايير من الكيلومترات. Devant toi des dizaines de milliards de kilomètres. وتحتك عشرات الملايير من الملايير من الكيلومترات. Et en bas de toi, il y a des milliards de kilomètres. الجنة عرضها السماوات والأرض وجهنم كذلك وأكثر. Le paradis, ses dimensions sont les cieux et la terre, et l'enfer est la même chose ou plus. Et si le plus bas ciel, découvert aujourd'hui par les savants, fait des milliards de kilomètres, que dire de la longueur de ce sirat? ومن تحته جهنم. En dessous de lui se trouve la GN. وبدأت رأسك تدور. Ta tête a commencé à être touchée par le vertige. ووضعت رجلك الأولى عليه. Et tu as posé ton premier pied sur le sirat. فأحسست بحدته. Tu as senti qu'il est trop aiguisé. والناس أمامك يزلون ويتعثرون. Et devant toi les gens sont en train de trébucher. وأنت تنظر إليهم وهم يتساقطون. Et tu les vois avec tes propres yeux, tu vois leur chute, leur écroulement. تهوير رؤوسهم إلى النار وأرجلهم إلى فوق. Leur tête chute d'abord vers l'enfer et leurs pieds vers le haut. وهم يتصايحون. Ils sont en train de crier. فيا له من منظر ما أصعبه. Quelle vue insupportable. ومشهد ما أفضعه. Quelle scène incroyable. وممر ما أضيقه. Et quel passage étroit et inévitable. وبدأت تزحف على الصراط. Et tu as commencé à ramper sur le sirat. وذنوبك تثقل عليك. Et le poids de tes péchés devient insupportable. Il t'attire vers le bas. وتجرك إلى التحت. وتلتفت يمينا وشمالا. Tu te retournes à droite et à gauche. فطر الناس وقد اشتعلت فيهم النار. Et tu vois les gens embrasés par les flammes du feu. والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يقول يا ربي سلم سلم يا ربي سلم سلم. Et le prophète à côté de l'entrée du sirat est en train de dire ô Seigneur sauve-les, ô Seigneur sauve-les. فكيف ستفعل إذا زلت قدمك? Comment vas-tu faire, frère ou sœur, si ton pied trébuche? ولم ينفعك ندمك. Et si ton regret ne te servira pas à grand chose? قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sœur lui dit: فمن الناس من يمر مثل البرق. Il y a des gens qui vont traverser le sirat comme l'éclair. أسأل الله أن نكون منهم. Je demande à Dieu d'être parmi eux. ومنهم من يمر كالريح. Et il y a d'autres qui vont le traverser comme du vent, à la vitesse du vent. ومنهم من يمر كالفرس. Il y a d'autres qui vont passer sur le sirat comme à la vitesse d'un cheval. ومنهم من يمشي مشيا. Et il y en a ceux qui vont marcher. ومنهم من يحبو. Il y a celui qui marche à quatre pattes. ومنهم من يزحف زحفا. Et il y en a ceux qui rampent comme des serpents. Mais doucement, par la vitesse du serpent. يعني ربما يقول واحد هو لماذا هذا يمر كالبرق وهذا يمر كالفرس وهذا يمشي. Quelqu'un va se poser la question, pourquoi celui-ci traverse à la vitesse de l'éclair et l'autre seulement à la vitesse du cheval et l'autre il marche uniquement et l'autre marche à quatre pattes ou rampe. السرعة التي ستمر بها على الصراط هي السرعة اليوم التي تجيب بها أوامر الله. La vitesse avec laquelle tu vas traverser le sirat est égale à la vitesse d'aujourd'hui selon laquelle tu réponds aux ordres de Dieu. Ya'ibadi hujju. Ô serviteur, accomplissez le pèlerinage. Est-ce que tu l'as fait en vitesse ou tu as traîné? Tu as traîné, tu vas romper. Qumu li salati al-fajr. Faites la prière de l'aube. Al-tastayqid bisra'a wa tusalli al-fajr am tatruk al-fajr hatta tatlu' ash-shams. Est-ce que tu te réveilles avec vitesse pour faire la prière de l'aube ou bien tu laisses jusqu'au lever du soleil? Ya ibadi la taf'alu kadha wa la taf'alu kadha. Oh mes serviteurs, ne faites pas ceci ou ceci. Est-ce que tu réponds avec vitesse ou tu fonces avec vitesse? Wa fi riwayatin ukhra, et dans une autre version, anna rajulan yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlayhi. Dans une autre version, le prophète dit comme quoi un homme ce jour-ci va avancer sur son visage, sur ses mains, sur ses pieds, sur son ventre. Wa tusibu jawanibuhu an-nar, jawanibuhu an-nar, et ses flancs sont touchés par les flammes. Fa la yazalu kadhalika hatta yakhlus, il va continuer ainsi jusqu'au point de traverser. Fa idha khalasa, après la traversée, il va se tenir debout sur le bord, l'autre bord. Ça y est, il est sur le rive du paradis. Il a dépassé les milliards de kilomètres de l'enfer. Et il va dire la louange entière à Dieu. Dieu aujourd'hui m'a donné ce qu'il n'a donné à personne. Ibn Jani minha min al-nar. Ibn Jani minha ba'da idra'itua. Parce qu'il m'a sauvé de l'enfer après qu'il me l'a montré. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat, mes frères et mes sœurs, man arada an-najat 'ala as-sirat yawm al-qiyamah, celui qui veut son salut, qui veut éviter le danger du sirat le jour de la résurrection, fa'alayhi bittiba'i sirat Allah al-mustaqim fi ad-dunya, il doit suivre le sirat, le droit chemin de Dieu dans ce bas monde. Mes frères, les jeunes, n'évitez pas, ne vous éloignez pas du droit chemin de Dieu. Man dayyaqa 'ala nafsihi sirat fi ad-dunya, celui qui aura rétréci pour lui le sirat, le chemin dans cette vie ici-bas, Dieu va lui élargir le sirat, le chemin de l'au-delà. ومن وسع عليه صراط الدنيا بكل الشهوات وكل الملذات, tandis que celui qui aura élargi pour lui le chemin dans cette vie ici-bas avec tous les plaisirs, avec tous les désirs, وكل المحرمات, avec tous les interdits, ضيق الله عليه صراط الآخرة حتى يصير أرق من الشعرة. Dieu va lui rétrécir le chemin de l'au-delà jusqu'au point qu'il devient plus fin qu'un cheveu. إلى هنا تنتهي رحلتنا المنظمة ليوم القيامة. En ce stade, notre voyage organisé vers l'au-delà prend fin. ونعود إلى هنا بسلامة, et on revient pour atterrir ici en toute sécurité. نعود إلى الدنيا التي قال عنها مولانا. On revient vers le bas monde pour lequel notre Seigneur Allah a dit dans un verset coranique, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. الغرور هو الشيطان الذي يغر. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Ne soyez surtout point séduits par la vie ici-bas, et ne soyez surtout point séduits au nom de la clémence de Dieu par le grand séducteur. Ça veut dire Satan. Ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat, mes frères et mes sœurs, atamanna an tusa'idana hadhihi ar-rihla 'ala at-tawba ila Allah. Je souhaite que ce voyage nous aide à faire un repentir sincère vers Dieu, à faire un retour vers Dieu, à nous aider à nous réveiller de notre inattention, et afin de se préparer avec des bonnes actions pour ce jour redoutable. Allahumma inni da'in fa'aminu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, يا واحدا في عليائك, يا خالق السماوات والأرض, يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين, نسألك في هذا اليوم يا رب يا رب لا تنسنا إذا وقفنا أمام الميزان. يا رب يا رب ارحمنا إذا وقفنا بين يديك. يا رب يا رب ثبت أقدامنا إذا وصلنا إلى الصراط. يا رب لا تجعلنا من عباد الدنيا، اجعلنا من عباد الآخرة. يا رب لا تجعل الدنيا وملذاتها تنسنا الآخرة وحصراتها. يا رب افتح عيوننا، يا رب املأ قلوبنا بمحبتك. يا رب اجعلنا من أوليائك ولا تجعلنا من أعدائك. يا رب احفظ أولادنا وبناتنا. يا رب إننا ضعفاء وأنت القوي. يا رب قلت لنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا هادي يا رب اهدي أولادنا وبناتنا. يا رب اهدي لنا أولادنا وبناتنا. يا رب صل وسلم وبارك في هذا اليوم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.